dimanche après-midi. Prio, c'est net à bon plaisir. Maîtresse Kaila Patela, Trio wa Pechita. Musique de Yan Badri, Trio wa ta fè mélodie. Quand t'es droit à nous, à ta propre vie. Trio célèbre. Entre des amis, quand t'es content, nous on t'a pour plaisir. Trio céleste, entre des amis. T'as pas déparé, ni va pas t'avanter. Y'a fait tol qui détaché. Si pas de bon Dieu, je m'ta pété. Tout le monde qui tape dansé, courir vite, moi, si m'pas blessé. À la tête, prends service, ta tourner chagrin. À la tête, prends service, ta tourné chagrin. À la dame, là, mes amis, moi t'as trouvé ma vague. Mes amis, au service, moi t'as pris. Mes amis, mais t'as tourné chagrin. Mes amis, oh, à la dame, là, mes amis, moi t'as trouvé. Mes amis, service prêt à prendre. Mes amis, t'as tourné chagrin. Mes amis, oh, à la demande. Mes amis, moi t'as trouvé ma vague. Mes amis, au service prêt à prendre. Mes amis, mais t'as tourné chagrin. Et tout n'est jamais.